Comme il se doit, on représente la famille. Pour qu'on nom KRMI, pour contrer la Zermie, ouais. Comme il se doit, faut rester unis. Chez électrique, concept, dramatique, sont nos vies, ouais. Comme il se doit, faut faire son yébi. Alors ça se laisse bien, un décal à BRI, ouais. Comme il se doit, peu sans son sort. Awesome. Je suis un de ces jeunes, non pas ces jeunes. Comme il se doit qu'ils s'interdisent pour gaffe ou de se hashem. Depuis la naissance, on vit un cauchemar. À défaut de rêver de grosses liasses, un jour on se réveille tôt là. Zona, insomniaque, on prend la PJ cardiaque. Les nerfs à vif, à bloc, j'échare comme un zodiac. Ceux qui sous-estiment finissent sur des civières. Combien de victimes ont envoyé de hackers au cimetière? À l'heure où les RG mettent sur écoute ton numéro. Au quartier, ça se met des hasses pas pour moins de 1000 euros. Y'a plus de thunes, les espèces sont en voie de disparition. Attentat lyrique à la chaque terreau apparition. La rue attend notre album de Lille jusqu'à Marseille. Car on a toujours représenté ceux que la justice harcèle. Dans le dev, question race et net, on perd nos temps, c'est clair et net. Au lieu de se dépêcher de se repentir comme il doit. Comme il se doit, on représente la famille. Pour qu'on nom KRMI, pour contrer la Zermi, ouais. Comme il se doit, faut rester unis. Chez électrique, concept, dramatique, sont nos vies, ouais. Comme il se doit, faut faire son yébi. Alors ça se laisse bien, un décal à BRI, ouais. Comme il se doit, peu sans son sorti. On a tous grandi dans un nid d'orti. Quitte à se mettre dans la merde, on bouge pour la famille. OP pour la famille, quitte à crever pour la famille. Pour la famille, mon honneur est plus déterminé que ma peur. Trop de rumeurs, de frimeurs viennent perturber mon humeur. Mais quitte à faire des rageux, je continue mon trajet enragé. Pour tous ceux qui m'encouragent, on accepte tout ce qui vient du tout puissant. De bien, de mal, tout ce qui nous rend deux fois plus vaillants. Quitte à prendre du ferme, comme il se danse la ferme. Dénonce jamais un frère ou tu meurs le jour de ta perte. On aimerait mettre toute la famille à l'aise, la France jusqu'au bled. Faire des enfants halal, avant guette, accomplir le hajj comme il se doit. Obtiens le respect comme il se doit. Comporte-toi comme il se doit, afin de vivre comme il se doit. Cousine, fais pas la bête si tu tiens à rester pucelle. Mais si t'es pucelle que t'étais, tu seras baisé comme il se doit. Comme il se doit, comme il se doit, on représente la famille. Pour qu'on nom KRMI, pour contrer la Zermi, ouais. Comme il se doit, faut rester unis. Chez électrique, concept, dramatique, sont nos vies, ouais. Comme il se doit, faut faire son yébi. Alors ça se laisse bien, un décal à BRI, ouais. Comme il se doit, peu sans son sort. Pense à toi, comme il se doit, fais gaffe à toi, comme il se doit. J'pense au Honda, qui sait Dieu, mais Inch'Allah ça ira. Demandera et dira que la rue c'est moi. Comme il se doit, la rue c'est chez moi. Le temps c'est sacré, c'est plus que l'on croit. Il est temps d'être dans le droit, sinon sur toi on mettra une croix. Crois-moi, l'au-delà, ça vaut pas ici-bas. Comme il se doit, je crève ma. Fais le bonhomme pour la run dark, me dark. La beurre, cliquez pas comme il se doit. Tanché, me laisse passer pas, j'suis pas à ma ce pas. Comme il se doit, arrête de flancher et brise tes pas. Comme il se doit, va s'allier au jamais et je m'arra. Car le jour J arrivera et crois-moi, rien n'est rama. Si je reviens d'en bas, c'est comme il se doit. C'est pas pour finir en bas, c'est toi qui vois. Ouais, ouais, c'est comme il se doit. Comme il se doit, on représente la famille. Pour mon nom,